FSI French Revised. Unit 4, Tape 3. Lexical Drill B 2. Je dois justement aller en ville. Je dois justement aller en ville. Prendre les billets. Je dois justement prendre les billets. Nous allons. Nous allons justement prendre les billets. Déjeuner avec eux. Nous allons justement déjeuner avec eux. J'espère justement. J'espère justement déjeuner avec eux. Parlez à mon ami. J'espère justement parler à mon ami. Il doit justement. Il doit justement parler à mon ami. Retenir les places. Il doit justement retenir les places. Je dois justement. Je dois justement retenir les places. Aller en ville. Je dois justement aller en ville. Lexical drill B 3. C'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Voilà exactement ce qu'il me faut. Ce qu'il reste. Voilà exactement ce qu'il reste. Je vois. Je vois exactement ce qu'il reste. Ce que vous voulez. Je vois exactement ce que vous voulez. Nous avons. Nous avons exactement ce que vous voulez. Ce que vous demandez. Nous avons exactement ce que vous demandez. Voilà. Voilà exactement ce que vous demandez. Ce qu'il me faut. Voilà exactement ce qu'il me faut. C'est. C'est exactement ce qu'il me faut. Lexical drill B 4. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Le bureau de renseignement. Le bureau de renseignement est au rez-de-chaussée. En face. Le bureau de renseignement est en face. Le café de Paris. Le café de Paris est en face. Près d'ici. Le café de Paris est près d'ici. L'hôtel du Midi. L'hôtel du Midi est près d'ici. Là-bas. L'hôtel du Midi est là-bas. Le guichet 12. Le guichet 12 est là-bas. Par ici. Le guichet 12 est par ici. Le rayon des chaussures. Le rayon des chaussures est par ici. Au rez-de-chaussée. Le rayon des chaussures est au rez-de-chaussée. Lexical drill B5. Nous en vendons beaucoup. Nous en vendons beaucoup. Ils en ont. Ils en ont beaucoup. Plusieurs. Ils en ont plusieurs. Nous en donnons. Nous en donnons plusieurs. Cinq. Nous en donnons cinq. Ils en font. Ils en font cinq. Douze. Ils en font douze. Nous en avons. Nous en avons douze. Beaucoup. Nous en avons beaucoup. Nous en vendons. Nous en vendons beaucoup. Lexical drill B6. Donnez-m'en quatre. Donnez-m'en quatre. Apportez-m'en. Apportez-m'en quatre. Deux. Apportez-m'en deux. Trouvez-m'en. Trouvez-m'en deux. Six. Trouvez-m'en six. Vendez-m'en. Vendez-m'en six. Trois. Vendez-m'en trois. Achetez-m'en. Achetez-m'en trois. Quatre. Achetez-m'en quatre. Donnez-m'en. Donnez-m'en quatre. Lexical drill B7. Voulez-vous les essayer? Voulez-vous les essayer? Allez-vous? Allez-vous les essayer? Les réveiller? Allez-vous les réveiller? Puis-je? Puis-je les réveiller? Les nettoyer? Puis-je les nettoyer? Allons-nous? Allons-nous les nettoyer? Les accepter? Allons-nous les accepter? Va-t-on? Va-t-on les accepter? Les essayer? Va-t-on les essayer? Voulez-vous? Voulez-vous les essayer? Lexical drill B8. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Elle va. Elle va aussi acheter des chaussures. Repasser le linge. Elle va aussi repasser le linge. Je dois. Je dois aussi repasser le linge. Trouver un taxi. Je dois aussi trouver un taxi. Il faut. Il faut aussi trouver un taxi. Changer de chambre. Il faut aussi changer de chambre. Nous espérons. Nous espérons aussi changer de chambre. Rentrer la semaine prochaine. Nous espérons aussi rentrer la semaine prochaine. Je voudrais. Je voudrais aussi rentrer la semaine prochaine. Acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Questions on the dialogue. Où sont Monsieur Dupré et Monsieur Petit? Monsieur Dupré et Monsieur Petit sont dans leur bureau. Où Monsieur Dupré doit-il aller? Il doit aller en ville. À quelle heure les magasins ferment-ils? Ils ferment à 6 heures. Pourquoi Monsieur Dupré veut-il prendre un taxi? Pour arriver à temps. Où Monsieur Petit doit-il aller? Il doit aller en ville. Avec qui Monsieur Dupré va-t-il en ville? Il va en ville avec Monsieur Petit. Monsieur Dupré va-t-il prendre un taxi? Non, Monsieur Petit va déposer Monsieur Dupré en ville. Monsieur Dupré voudrait-il des chemises vertes? Non, il voudrait des chemises blanches. Combien de chemises veut-il? Il veut 4 chemises. Sont-elles en solde? Oui, elles sont en solde. Combien coûtent-elles? Elles coûtent 15 francs. Est-ce qu'il reste beaucoup de chemises? Non, il ne reste pas beaucoup de chemises. Monsieur Dupré va-t-il acheter des chemises? Oui, il va acheter des chemises. Combien de chemises va-t-il acheter? Il va acheter 4 chemises. Voudrait-il autre chose? Oui, il voudrait aussi acheter des chaussures. Où est le rayon des chaussures? Il est au rez-de-chaussée. Y a-t-il des chaussures à grosses semelles? Oui, il y a des chaussures à grosses semelles. Du combien Monsieur Dupré chausse-t-il? Il chausse du 42. Les modèles sont-ils en blanc? Non, ils sont en marron. Achète-t-il 3 paires de chaussures? Non, il achète 1 paire de chaussures. Combien coûte la paire de chaussures? Elle coûte 46 francs 95. Est-ce que c'est cher? Non, ce n'est pas cher. Grammar 1. Noun marker, mon. Learning drills. Learning drill 1. Voilà ma valise. Voilà ma valise. Mes valises. Voilà mes valises. Ma sœur. Voilà ma sœur. Mes sœurs. Voilà mes sœurs. Mon frère. Voilà mon frère. Mes frères. Voilà mes frères. Mon livre. Voilà mon livre. Mes livres. Voilà mes livres. Learning drill 2. C'est mon ami. C'est mon ami. Mon hôtel. C'est mon hôtel. Mon étage. C'est mon étage. Mon épicier. C'est mon épicier. Mon épicerie. C'est mon épicerie. Mon encolure. C'est mon encolure. Mon ami. C'est mon ami. Learning drill 3. Où est votre valise? Où est votre valise? Votre frère. Où est votre frère? Votre sœur. Où est votre sœur? Notre valise. Où est notre valise? Notre compartiment. Où est notre compartiment? Notre monnaie. Où est notre monnaie? Notre malle. Où est notre malle? Notre taxi. Où est notre taxi? Learning drill 4. Où est leur sœur? Où est leur sœur? Leur frère. Où est leur frère? Leur valise. Où est leur valise? Leur compartiment. Où est leur compartiment? Leur hôtel. Où est leur hôtel? Leur ami. Où est leur ami? Leur mal. Où est leur mal? Leur bureau. Où est leur bureau? Learning drill 5. Où sont leurs sœurs? Où sont leurs sœurs? Leurs frères. Où sont leurs frères? Leurs parents. Où sont leurs parents? Leurs bagages. Où sont leurs bagages? Leurs places. Où sont leurs places? Leurs billets. Où sont leurs billets? Leurs livres. Où sont leurs livres? Leurs couchettes. Où sont leurs couchettes? Learning drill 6. Nos amis sont ici. Nos amis sont ici. Vos enfants. Vos enfants sont ici. Vos bagages. Vos bagages sont ici. Nos billets. Nos billets sont ici. Vos enfants. Vos enfants sont ici. Nos fiches. Nos fiches sont ici. Vos valises. Vos valises sont ici. Nos amis. Nos amis sont ici. Learning Drill 7. Ils sont avec ma sœur. Ils sont avec ma sœur. Sa sœur. Ils sont avec sa sœur. Mon frère. Ils sont avec mon frère. Son frère. Ils sont avec son frère. Mes sœurs. Ils sont avec mes sœurs. Ses sœurs. Ils sont avec ses sœurs. Mes frères. Ils sont avec mes frères. Ses frères. Ils sont avec ses frères. Learning Drill 8. Où sont mes amis? Où sont mes amis? Ses amis. Où sont ses amis? Leurs amis. Où sont leurs amis? Nos amis. Où sont nos amis? Vos amis. Où sont vos amis? Mes amis. Où sont mes amis? Learning Drill 9. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Mon ami. Voilà mon ami. Notre ami. Voilà notre ami. Nos amis. Voilà nos amis. Son ami. Voilà son ami. Ses amis. Voilà ses amis. Leur ami. Voilà leur ami. Leurs amis. Voilà leurs amis. Votre ami. Voilà votre ami. This is the end of tape 3, unit 4.